Ok, ok, mon pote, ça vient du 8-900, ça. RIFA, DLK, FKC, cousin. Bercé par le son et ça pue la naissance. J'compte bien trouver la faille pour percer ta défense. Sans faire preuve de méfiance, c'est vers le mal qu'on fonce. Donc automatiquement, dans la merde on s'enfonce. Malgré ça, je m'efforce de faire la différence. Petit à petit le temps passe et je vois que la vie c'est as. On est bien que quand on tease ou quand on se défoule au sport. Dès que je peux, je concrétise ma chance, ouais je garde espoir. Qui la faute, si ça pique grave, du sbap dès sbar. Faut que le son tourne, comme la scred à Paris baisse bar. Je baisse pas les bras, même si le bonheur m'épargne. Ce morceau c'est de la frappe comme du seum qui vient d'Espagne. J'compte pas finir ici, bloqué dans l'impasse. Dans la street que des pinces, dans un monde de rapaces. Tout ça, ça me dépasse, donc en studio j'me dépense. Une spéciale pour mes sauces, 8-900, sub de chance. J'arrive en solo mec, de tête, j'fais pas partie du patronat. 8-900, tu sais que les balances on aime pas trop ça. Putain de flow pour les ghettos, pas pour les lobes ça. Tu veux des bêtes de rime, appelle des LK, allez hop ça. Découpe des anses, écoute le 11, les voix elles dansent. Vu le poids qu'on entend, c'est des Jimin, rompe pas la danse. Ça vient d'en bas ça. Comme un middle bien placé, comme le veut la coutume, je me focalise au billet brassé. Ça vient d'en passage, t'invite dans un brasier. Chez moi ça marche, casquette à l'envers ou bien tête rasée. Tous un peu noctambule, nous prends pas pour des débiles. Je débarque, je débite, je monte en l'air les instrus à la chabale. On veut le compte d'Alain Chabat, après on se barre. T'entends pas, je veux ma part, mon son résonne tout part, part. Paralyse les faux, rien qu'à coup d'effort, frère. Arène palace, moi les balles trinquent, déclare forfait. Notre vie est compliquée, mais on s'en sort avec les zincs. On aime pas ces conflits, que aucun de nous a pas plus 5. On est là en soirée à remplir la tablée. Ne viens pas surtout me dire, FKC, t'as du blé. Ça serait mentir, risque de mal apprécier. Ne viens pas te plaindre si après tu as un membre scié. On tape niveau son, dans la qualité. On se tape à haut niveau, on n'est pas là pour câliner. On bicrave du lourd, en solo ou en freestyle. Tu t'écrases avec tes frites. Et tu tailles, j'roule mon choco à la camelle. Fais gaffe, elle peut être très dangereuse, la cam. Elle, notre son fait trembler tes enceintes. Attention, ça a pété, fais gaffe si t'es enceinte. Que ce soit pour l'outa, pour le sang, on est matinal. Une drop tape sur le pilon et reste marginal. Si, si, mon pote, ça vient du 8-900. Ouais, 891 records.